gmail.com. Naïmati depuis Congo Central la Louange. Pour la Naï Brest, je vous appelle depuis le Brésil. Les gens ne savent pas. Ma décision, la police est à Olaj Bazui. Ils ont ma décision, Moro, il y a bien. Il faut battre ça en action, puis il faut battre ça à suivre. Au cours de la pharmacie, Go est alité, plafond est alité, et puis chaleur, mieux sur moi, Naïe, Moro, pharmacie, y a tout. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Parlons-en avec Orange. Tenabino bandeko balandi ya Top Congo FM boye malamu na manaka parlons-en tokutani lisusu bomo meseno lelo mardi lelo to consacra émission na biso na histoire ya Congo to bandaki mosika to bandaki na avant indépendance ti to zopusa na malembe malembe malembe malembe lelo yo to komi après avoir évoqué les semaines dernières, conférence nationale. Avant conférence Nanou, conférence nationale souveraine, les langues nationales, hein, origine Nengenini, Tokoma, Kileloyo, que officiellement Tokoma a quatre langues nationales, les acquis émission la semaine passée, et Leloyo Torolobela, la guerre de l'AFDL et la chute de Mobutu. Bitouba AFDL, Oye Banana 1996, paix, chute. Il y a régime, il y a Mobutu. Pour en parler, comme tous les mardis, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans ce studio Dr. Lusakweno, M. Thomas Luaka Losenjola, chercheur en histoire. Ndeko Thomas Luaka, mbotenaye, pe boye malamo. Merci. On a informé que il y avait quelques interventions, il y a Kitoko Penza, na répondeur na biso à les débats, notamment il y a Maman Moko à Benga Kibiso, par rapport il y a quatre langues nationales. Okay. L'émission a été très suivie et appréciée à l'Obib. Bah, il y a Moté, Nakela Sitolana, Moté, s'il faut faire quelque chose. Je sais que ça, ça revient souvent, mais les Kamaba langue nationale, Batoming va apprendre sur émission. Merci, Ndeko Thierry. Pour nous, on a une émission et l'auto-résumé dans nos émissions à la fois dernière. Tolobaki, Tozali na langue officielle, Banco. Langue officielle est en Boko Nabiso, et Zali na Katia Constitution, l'article 1er, alinéa 7, c'est le français. Français n'est langue officielle Nabiso. Officielle est la Kistinini. Ba correspondance nyonso, na ba bureau à l'État, ba lobaka français. Et puis, mikanda nyonso yo, et Zali ko lobama na Katia administration, il faut beaucoup mango na français. Voilà la langue officielle. Et puis, constitution en Gomoko, na premier, toujours premier article, hein, et article premier, et lobby qui est aux alliés, na quatre langues officielles. Quatre langues en Gwezali, Swahili, Lingala, Kikongo, Nachiluba. Swahili, Swahili est Utiwapi, Swahili est au monde qui en Gwezali, mélange, il y a arabe, monoko, monoko, babengi qui est arabe, na ba langue bantou, ndepesi Swahili, parce que est et en Boko Nabiso, depuis 1850, ti na 1900, et Zala qui occupait. Naba arabe, commerçant arabe, ne baba ne kuvanda kuna, munoko bande koloba, et sangani naba minoko ya mboka nabiso, et puis c'est Swahili. Et puis, et lokoto yebaka, ekolo mokote na Congo, ezali, bazali ba Swahili. Swahili ezali ekolote, Swahili c'est juste langue ezali ko permettre bikolo ya est, oyo bavandi na province ya Katanga, Chopo, na territoire ya Wamba, na kati ya province ya Otuele. Espace où on a pas bayo kana entre bango, il faut baloba Swahili. Par exemple, nande poa sololana ema, il faut baloba Swahili. Mushi poa sololana rega, Swahili. Un kusu asolana mulubakat, il faut ba utiliser Swahili. Yango na babenga ka Swahili, c'est une langue véhiculaire. Et la kisi oyo batu ya bikolomi bale bazana ba langue na bango, ceux qui balimba solo ba ko utiliser ngonde langue véhiculaire. Wana Swahili. Et puis, loko mususu tokoye koloba pona Swahili, en termes ya nombre ya bato balobaka langue wana na Congo, ezali langue ya liboso parce que à peu près 42% ya population ya Congo balobaka Swahili. Deuxième langue, Lingala. Lingala est outil na contraction ya mot o ya latin lingua ngala. La langue de Bangala ba sangonde ba pesi kombowana lingua ngala nde pesi Lingala. Lingala tomona ki yango ezali parler lingua ngala, lingua ngala. La langue de Bangala, voilà. Nde comme Lingala. Lingala. Hein. Po na ba langue na biso po lo ba munoko ya batoto chaka kiliboso. Mm. Ki Swahili, ki Pende, ki Mbala. Lingala, ezana ki, il fallait la Kingala. Mais Lingala, parce que ça vient du latin. Donc, c'est la deuxième langue, ezali na 28% de la population à Congo, balobaka yango. Tomona ki origine nango, c'est la langue d'une tribu, babengi yango, Bobangi, banonu Bobangi. Munoko na bangonde se mélanger na ba langue mususu, et puis c'est Lingala. Banonu Bobangi bango baza nani parce que dernièrement natangai quelques batu na ba chaque tribu lelo banonu Bobangi ezali maître Liolo azalaka mununu maître Toro maître Yoka maître Big Master Nzuka azali pe mununu et puis par exemple na Kinunu kombo ya Ngobila Ngobila na Kinunu et la kisi Tourbillon Tourbillon ya mai ezali c'est une kombo etie pa banonu donc voilà un peu. Et Lingala ezali koloba mawapi officiellement. Lingala ezali na Grand Équateur, province ya Grand Équateur wana, na Maïndombe, donc province ya Maïndombe, Bazouele, Otouele, voilà espace oyo, l'État a imposé ki Lingala. L'État a imposé ka ba langue nationale ndenge nini, na classe, a obligé na espace wana, premier, deuxième, troisième primaire, bana bakotanga na Lingala. Na espace oyo bakotanga na Swahili, na espace oyo, voilà comment l'État a imposé qu'il y a quatre langues nationales. Et puis, tu es comme on a troisième langue, Ezali qui compte. Dans ma province, autant il y a mis en rapport. Oui. Dans ma province, autant Kinshasa est atteint. Kinshasa n'a atteint en côté officiellement, n'est-ce pas, Kinshasa, c'est quoi comme capitale. Lingala est joué place à Kikongo. Parce que normalement, li, début, ki, tout le monde a qui en haut, Kinshasa est qui n'est-ce pas, à Kikongo. Mais Lingala est joué place Wana. Donc, Kikongo, Kikongo est allé Koloba na Congo central, donc version nango ya Munukutuba, et puis na Kwilu Kwango. Oyo balobaka Kikongo na Congo, bazali ko représenter à peu près 18% ya population ya Congo. Kikongo est Lingala, combien de pourcents les Kikongo, Lingala est allé 28%. Ouais. C'est la deuxième langue en termes d'importance, ya ba locuteur, tobato balobaka Munoko wana. Kikongo est allé à la fois langue vernaculaire, vernaculaire la kisi. Langue ya bato balobaka comme langue ya tribu moko vernaculaire balobaka yango et puis véhiculaire vernaculaire pour nanani pour na ba Congo ba yombe ba ntandu ba manyanga et tout balobaka Kikongo wana l'état comme munoko na bango propre et puis ezali langue véhiculaire par exemple na Congo central te na Congo central te na Kwilu Kwango. Kikongo munu kutuba ezali ko permettre ba population ya province ya deux provinces wana po ba yokana ba yaka muyaka po solo na muyanzi fo balo ba Kikongo a l'état mupende po solo na mumbala il faut Kikongo a l'état voilà comment Kikongo ezali parler na Congo central et puis na Kwilu Kwango langue ya suka ezali Chiluba. Chiluba tomona kiango ezali différent na Kiluba. Kiluba elobamaka na Katanga, ezali langue ya Baluba Kat. Chiluba elobamaka na Kasai. L'État a imposé ki Chiluba na espace Grand Kasai, yangwana tolobaki. Batu nyonso balobaka Chiluba baza Baluba te. Par exemple, Basongi balobaka Chiluba baza bazaba Baluba te. To pesa ki exemple ya Vienna biso atika biso kitenge Yesu. Bakuba, baza baluba te baluba kachiluba, Evariste Boshab, ainsi de suite, naba bikolo mususu, sesanga, aza musalampasu, bakanyoka. Donc voilà un peu comment Chiluba ezali ko permettre dans le grand espace batuba yokana. Point asuka tolobaki, ba ekolo nyonso, bikolo nyonso ya Grand Kasai, bandimaki, l'état tango yeko yebisa bango botanga na Chiluba, sauf ekolo moko, ba boya ki koye ko la Chiluba balobi soki boye na ba livre na bino na Chiluba watoko tumbango ezali ba tetela yango na Mobutu à la dernière minute a iko décidé ko permettre ba tetela la seule tribu na Congo o yoko la na munoko na bango moko ya mboka o lia l'une des quatre langues nationales ba yoko la kana tetela donc ezali na sankuru babenga kango l'exception tété là bangonde baye kola na monoko na bangwa mboka voilà à peu près ils ont toujours été compliqués voilà un peu makambi ya balanga nationale au Toloba qui la dernière fois voilà donc c'est les seuls à avoir fait fléchir le président Mobutu tout à fait baboy ko ekola na tiloba baboy Mobutu alinga qui a imposé bango entre Lingala, le colo baboy chiluba, le bifo bapona entre Lingala na Swahili. Mobutu atindi commission avec expert, bake kuna entre autres professeur Moulna que j'ai salué au passage, bake kuna baena rapport. Balobi batete la bazali bande kwa bakusu na manyema, bakusu baloba ka Swahili, donc ba recommander maréchal to imposer Swahili na Sankuru et pas batete la. Mais ça posait un problème politique na maréchal, so ki totie Swahili koti na Sankuru, nombre ya ba Swahilifone et komata, déjà ça na 42%, et koko ma même na 50%, ça deviendrait une trop grande influence politique. Maréchal pour na ko éviter ango, alobi à ce moment-là, botika ba omba yekola na ki tete la. On a tété la kéwa fumbe. Merci Mingi. Voilà, on les a qui résumé. Il y a une mission passée sur les langues nationales. Très important, il y a une histoire, il y a Mboka. Très important, il y a une histoire, il y a une langue nationale, la Bissot. Hein? Il y a une différence, langue véhiculaire, la langue vernaculaire. Tout en temps, on a qu'il y a là, mais aux amours rafraîchissement. Merci, Mingi. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. La guerre de l'AFDL et la chute de Mobutu. C'est le chapitre du jour. Tokoti Sikoyo, de plein pied. Hein? Et honnêtement, ma langue nationale, tout ça qui m'a point parenthèse. Hein, toko basiko na logique, il y a conférence nationale après conférence nationale ti malem malem na bitumba. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à chapitre consacré na bitumba ya AFDL pe chute ya Mobutu? Et le kotoré ko retenir lelo na mois juillet 1996 maréchal Mobutu accueilli vacances na Faro na Portugal. Azalaka nanda ku na Portugal na ville ya Faro. Maréchal tango ke na vacances kuna na mois juillet, na mois août, azali obligé abima na Portugal rapidement akende Suisse d'urgence pour nanene akena Suisse na Lausanne azali koyoka biente il faut ba intervenir ba minganga na ba intervenir yango wana na mois août maréchal ba opéré na cancer ya prostate c'était une intervention très lourde. Très importante, maréchal a bimi na hôpital azali fatigué. En réalité, maréchal ba diagnostika qui est cancer depuis 1990, mais suivi il y a cancer wana ezala ki ya malongate. Il faut tout monde qui a ngopé na tango ya période ya transition. Mobutu akoma ki na problème na ba pays ya ba paya ba koma ekopi mela ba visa. Donc moya ça la suivi il y a cancer ne ezala ki te. Donc, situation est évoluée. Yangwana, na mois août 96, azala qui est obligé ba opérer na Lausanne. Tangu, assis opération ana na mois août, Mobutu akei na France na convalescence, nanda kune azaki na mona Nice. Donc, Mobutu ake convalescence. Wana na mois août. Le 18 octobre 1996, organisation Mine, organisation politique Mine et éco-créée AFDL. Organisation donc AFDL la crise Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo Zaïre. Basali yango na mboka moko babengi yango Lemera donc le 18 octobre ba organisation ezali nini perpète monaki yango ya Laurent Désiré Kabila CNRD perpète la crise parti de la révolution populaire CNRD Conseil national de résistance pour la démocratie il y a André Kisasa Ngandou MRLZ mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre, il y a Anselme Masasu Nindaga, et puis Tangu, il y a Mine, Babengiango ADP, Alliance démocratique des peuples, il y a Deogracias Bouguera. Tokomona, Tomona qui déjà Laurent Désiré Kabila, Tomona qui parcourt. Oui, donc leader 4. 4 leaders. Laurent Désiré Kabila, Kisasa Ngandou, Anselme Masasu Deogracias Bouguera. Kisa senga ne tokozonge la ya après Masasu c'est un ancien un militaire congolais abundaka bitumba Rwanda zaka na APR donc abundaka na bitumba Rwanda na bakaga na bakagame azonge na Congo il est de la tribu Chi ya Sud Kivu avec comme membre fondateur FDL Deogracias Bugiraye nani c'est un tuti du Nord Kivu mais atanga awana IBTP asala architecture na IBTP na Kinshasa Bugera atanga na Kinshasa. Donc on a le 18 octobre. Le 19 octobre, ba militaire ya Afdel ba attaqué Uvira, ba libéré Uvira, donc ba contrôlé Ango. Le 19 octobre. Le 19. Afdel est armé le 18, le 19 ba tué Uvira, ba militaire Ango essentiellement Banyamulenge na ba militaire congolais mususu ba sala bitumba Rwanda, hein, to mona ki Ango. Donc ba zongi ba ekokota na kati ya Afdel. Na Uvirana, Laurent Désiré Kabila a annoncé volonté nae ya ko renverser pouvoir ya maréchal Mobutu. Pona nini nanu yeye mutazwa ki leadership ya AFDL? Parce qu'on a beaucoup, on a raconté beaucoup de choses autour de Ngo, Ezaki était ne balélibe. Enfin, non, c'est lui qui avait les profils. Tout le monde qui a Ngo, Laurent Désiré Kabila a bandi Bitumba. Kala. Na 19 ans contre la sécession ya Tshombe na 1960. Laurent Désiré Kabila na 64 avec banda guerre ya Basimba. 65 Laurent Désiré Kabila a bundi na Che Guevara. Ernesto Che Guevara est côté époux. Donc, le leader Nyon Sabane 60, ba Kimaka, ye, il était le seul à Tikalaka qui continuait Bitumba. Donc, on a quoi que na expérience, na envergure politique, c'était lui par rapport à Deogracias Bugdera, Masasu, na Kisa Sengan. Donc, il avait le meilleur profil. Et puis, autre chose, Abane Kovana na Tanzanie, Azalaki proche na président, ancien président de Tanzanie, Julius Nyerere. Julius Nyerere Togoye Koloba, à l'époque, c'est lui le grand parrain de la région des Grands Lacs. Voilà comment Julius Nyerere a été présenté Laurent Désiré Kabila Epaya Museveni et puis Epaya Kagame Alobi Yende Asimba Masolo. Afdel et Salami avec trois objectifs. Premier objectif, pour Nabalier, surtout Barwandais, Ezali, mission Yako Panzabaka et Baréfugié. Quand un réfugié, il y a un sanctuaire, il y a un ennemi, il y a un régime, il y a Kigali, il faut que nous pensions à Kawan. Deuxième mission, Ougandé et Rwandais, il y a un objectif, il y a créer une zone tampon tout au long de la frontière en Bango, na RDC, pour protéger la frontière, zone tampon, là, exemple, il y a les loyaux, et salama, les Israéliens, ils sont dans le Liban, pour protéger la frontière en Bango. Et puis, troisième mission, il y a pour Laurent Désiré Kabila, il faut kokende ko kwesa Mobutu. Donc parmi les objectifs les deux premiers ezali to deux des trois ezali oya bato ya balier donc exactement na Uganda. Exactement. Ezaba objectif na bisoté. Ezaba objectif na bisoté. Panzabaka tout ça ezaba objectif na voilà. Balobi biso bo sali sabiso bo panzabaka et puis biso to ko sali sabino bo renverser Mobutu. Voilà, c'est ça l'accord. Et puis sikoyo wana le 19 octobre donc virekwe. Le 28 octobre, Kinshasa a nommé deux gouverneurs militaires. Le Kola Lelo, Iturina, Nord Kivu. À l'époque, Maréchal a nommé na Nord Kivu, général Ngwala Panzu, na Sud Kivu, général Michel Elese. Le 30 octobre, voilà le 28 octobre, le 30 octobre, Bukavu et Kwei. Le 3 novembre 1996, Gomape et Kwei. Et puis, le 23 novembre 1996, ba militaire ya Mobutu to ya phase bango moko ba yoki bazana Butembo ba yoki kaka banguna bazoya ba militaire bango mo bakangi bisaka na bango ba bimi na Butembo mais tant ba bimi na Butembo ba piyaka te parce que ba soda na biso bazaki na bitu so ba lingba longwa ville faut ba piyer. Pourquoi ba piyaki Butembo te? Parce que ba commerçant ya Butembo ba se kotizaki ba pesi ba militaire ya Mobutu mbongo pour ba piller ville na bangote. Donc voilà comment les militaires quittent Butembo sans piller, ba kei wapi ba mati na Beni. Na Beni wana le 24 novembre bango balongo le 23 novembre balongo Butembo le 24 novembre ba militaire Afdel na ba lié na bango ba koti na Butembo. Le même 24 novembre ba militaire à Mobutu ba ko piller ville ya Beni avant ba longwa. Donc ils n'ont pas pillé Butembo, ils ont pillé Beni. Le 7 décembre 1996, ba militaire et Afdel, ba kotina Beni. Le 8 décembre, Bunia et Kwei. Donc à partir du 8 décembre, Tomonike, toutes les villes congolaises où ils allaient dans la frontière à Est et à RDC, ils allaient désormais sous contrôle à AFDEL. Ok. Ils allaient Uvira, Bukavu, Goma, Butembo, Beni, Bunia. D'accord. Motuna, ils allaient Ndenge Nini, déjà na coin wana, AFDEL, Nabalié, Nabango, Bazaïko, comme Bazoko Tabaozo Bamboka wana facilement. Comme du couteau dans du oui, beurre, parce que justement, l'armée n'a pas été désorganisée, démotivée, parce qu'il y a une volonté de faire l'une des explications de Tokomonango après. Plus tard. D'accord. Si vous avez tout ce qui est dans nos frontières, vous avez tout ce qui est à Kinshasa. La situation politique à Kinshasa est en train de se faire. Vous avez depuis 1994 qu'il y a un premier ministre. Mais les analystes, depuis 1995, en réalité, Maréchal Mobutu azali ki sous une effectivité à pouvoir te. Pouvoir à Maréchal ezali divisé et exercé par deux groupes. Le pouvoir économique et financier, donc disons que pouvoir économique et politique, Yamboka ezali exercé par le tout puissant Premier ministre Léon Kengouadondo. Le pouvoir militaire et sécuritaire ezali exercé par un deuxième groupe. Il y a quatre généraux qui ont exercé le pouvoir militaire et sécuritaire. Bazali Banani, un, le grand amiral Mavwa Mudima, Azali ministre de la Défense nationale, le général Eluki, Azali chef d'état-major général Yafaz, le général Baramoto, Azali président général de la garde civile Togasi, Banako Bengai président général, et puis le quatrième général, c'est le général Étienne Nzimbi, commandant, il y a DSP, division spéciale présidentielle. Par honnêteté, il faut dans le baquet, analyse Oyo, ils allaient contester le général Baramoto, Ayebi Sakinga, Yatigalako, confisquer le pouvoir à Maréchal T. Donc voilà, ça c'est ce que les gens disent, et puis n'a pas de point de vue à général Baramoto, avec qui j'échange régulièrement. Donc, si Koyo, Kengwaza a pouvoir économique, pouvoir militaire, ils n'avaient pas quatre généraux. À un moment, les deux groupes, Bakoya Okota na conflit pour Nanine. Premier ministre Kengouadondo a reproché à quatre généraux Biloko Mibale. Yaliboso, Alobi, ba généraux ana, bazali ko considérer Bitumba comme opportunité à cause Wambon. J'ai lu ça, Nathan, on a livré. Et voilà, il y a qu'à s'enrichir. Pour Nanine, Alobi, a passé un exemple. Tozo sumba ba quantité mingi ya carburant. Carburant ou ekoma kana fronte, carburant ezali revendu awa na Kinshasa omona kangona na ba camp militaire, de ba mama ba soda ba ndeko teka ba carburant. Na bitse ke continue ngati lelo. Donc Kengolobi voilà pona bango c'est bazako lukaka mbong. Deuxième reproche Kengo za ko sala na ba généraux. Alobi depuis Bitumbe banda moko na bango te asia kitana front. Bango nyonzo bazaka kana Kinshasa wa kuluka kaka mbongo. Donc ça c'est le reproche ya Kengouadondo. Côté ya ba généraux balobi non Kengo azali ko étouffer biso. Pona nini azako pesa biso ba moyete? Objectif na ye a discréditer biso vis-à-vis na population comme quoi ba soda tozali ko sala bitumba te, tozoko ko bitumba te. Donc voilà. Tout suite au compte cela est un état de besoin ébélé, azali ko honorer en côté état de besoin pour tout ça la nini. Il faut tout somba ba matériel na ba équipement militaire, ezali bitumba to réparer ba mituka et puis to futa ba soldat ba militaire na ba prime de guerre. D'accord. Nyonso wana Kengo aboyi ko honorer ba état de besoin. On va y revenir juste après le bulletin d'information Lingala Torozong et Lango. Na rappeler na bandeko balandi na cadre parlons histoire na Top Congo avec Thomas Luaka. Chapitre Alelo Ezali, la guerre de l'AFDL et la chute de Mobutu. A très vite. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Et... Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Jusqu'en 2099, Top Congo FM, elle sera toujours avec vous. Toujours avec vous. Toujours avec vous. Toujours avec vous. Top Congo FM. Donnez à votre cerveau ce qu'il y a de meilleur. Jusqu'en 2099, Top Congo FM, elle sera toujours avec vous. Toujours avec vous. Toujours avec vous. Toujours avec vous. Ndaka etuka ekwateur bango bazali na posaite pasi pe minyoko ba ebanso bazali komona kuno kati yengu mbanda kamingi penza na ekwateur mokambi ekolo ako kamingi penza koyeba yango po ya kopesa biano bikoki okati ya etuka ya bango Top Congo FM Moïse Katumbiye azali moimbo ka mokote oya kotalisa Congo ya yo kati ya lingomba ya ensemble pour le changement ya ekolo Congo démocratique bon basen koyeba ete boko kati ya bakenibeko elongo na ba lingomba ya ensemble de bango pe ba mitali sur le col ba ba singeli ko kamba pe ekolo Congo démocratique na kombo ensemble pour les changements ya ekolo Congo démocratique et kambe na Moïse Katumbi ndi wana sa wana bokuse Top Congo FM le journal vous est présenté par Myriam Boketchou Boye bula muna bino banso sango eto fungula yango makao matali politiki ipona ko bisela bino ite tata mokambi ekolo Félix Adane Tshisekedi ye akozwama okati yango mokozi mbandaka lobilo koya wa pipai akukamba likita ya mbala ya liboa ya bakambi ya bituka tupa gouverneur de province ya ituka Equateur pe ekolo Congo Democratique mobimba mokambi ekolo ye akozwa pe libakuli ye po ya kosolola na makao matali mingi penza dinaka ya ba territoire kama yoko na 15,000 tupe projet ya 145 territoire ya ekolo Congo Democratique pratique bon bon singe ko ba ite ma immense ma tali sami okati ya ekolo Congo démocratique yango esengeli ko salema okati ya ekolo Congo démocratique bon bon singe ko ba ite mo kambi ekolo Congo démocratique ya kokoma lobby okati ya inguma mbandaka ya ekolo Congo démocratique bon bon kambi ekolo ye akokende kusulula na bakambi ya ekolo Congo ya bituka ya inguma mokozi Kinshasa pe ya bituka nyonso ya ekolo Congo démocratique po ya koyeba lolenge kani bituka ka bizali kotambola po ya José Bakita azali bongo moko kati ya bankumu ya ngoma banda ka Equateur atali cité ya koloba ezali ebele kasi esengo ezali makasi pezwa pipai ba ye ngoma banda ka bazali kozela mukambi ya ekolo to yokai province na bise za ko traverser zone moko ya turbulence mais arrivé à chef de l'état pa na bise ezali lokola délivrance ya province oyo arrivé na ye ezali lokola ngambi ange aye ko kitana mboka pa na ko délivrer mboka oyo mama ezali lika moko ya sengo bana yonso na mbandaka bazali debu pa na ko ta ko seul homme pa na ko délivrer ko sa biso na mikakatano to zana mbokani ko yebisa na mokambi ya mboka nini obo yebisa nyonso za Afrika wa nyonso obo yebisa problème ya ba sécurité problème ya économique problème ya ndenge moko za kotambola tu nyonso tu to koyebisa ye to ko bomba ya lokoma to kozela ke to yebi na ndenga tonelema na kokupa na vi na personnellement ndenga na mukanda moko ko répondre favorablement na makambo to zola ta mama na pa na ben ba muzika ka lokoma ko ya te to si to ba na bingo na radio mbala mbala awa ezali ta politika ba dédoublement ya lokika ya nini nyonso lokola chef de l'état ye na kati na mokuse ke lelo comme Boti kolanda wana moko kati ya bayingo bambata ka etuka Equateur zali mokambi ya notabilité to pe ya bakumu ya ingo bambata ka na etuka ya Equateur bongo na lobaki kote la basango osebe pe baite likita to pe congrès ya ensemble pour la république ya Moïse Katumbi yango efungwa mi lelozo kande misala mibanda ki lubilo leki kasi ye azali moimbo ka moko to ya kopesa kombo ya ye poita ko kamingi penza ko ponama o ili kwa maponomi ya 2023 bongo ezali pe wana boko kati ya bayili ngomba politiki ya ye, ba eba pesi kombo ite, ba sengeli mingi penza kuzala lukola, ba eba sengeli kukamba ikulu kongo demokratiki, o mikromizali kuya bongo po ya mwakili mibeko Daniel Safu, yepe atali siti ya kupesa kombo ya ye po ya kuwele la ibonga ya mukambi ya ikulu okati ya ikulu kongo demokratiki kumakonomi ya 2023 bongo wa sengeli kuyeba ite lubilo kuya nde ba kombo ya kutali samana pulili po ya baibansu, kutali na posa ya kukamba ikulu RDC, okati ya mikromizali kuya na kombo ya ensemble po la publique ya Moïse Katumbi. Tole bila makao matali mingi penza bo zwami ya mitungisi ya ikulu Rwanda na ngambo ya ikulu ya RDC na nzira ya batombo ba M23 bo sengu ya baite sengeli masuro mwa kwa peko salema ukati ya ikulu ya RDC na yungu yoko likitali sengeli kusalema na tina likambuli bongo likambulie li sengeli kubenga bai politiki nyoso ezala bai opposition majorite pe société civile ba kwa kusuru la po ya kubema ya no ya malunga po ya kusilisa likambuli tali bo zangi bokengo kati ya mwenye la ikulu kongo demokratiki bongo ya ngoi kusalema o matukumi bale na sambo kino matumi sato ya sanza ya zomi na mi bale mbumu ito zana ya ngoi na Kisangani na ituka ya chopo bongo baye ituka baye ya oriental le mwenye na yango tope grand oriental bango makukuta na zinga zinga na monseigneur tope episcopo Marcel Utebe mokambi ya Sentko po ya kolobe la kimia o kati ya ituka nor kivu na ituri pe na ba uele elongo na utu uele sangwe PSM na Geneviève inagosi Ezali na kati ya espace grand oriental de centre ya Afrique Ezali. Plus précisément na territoire ya Niangara kuna na province ya Otuele. Et puis espace grand oriental Ezali moko yango moko oyo Ezali ko regorge ba groupe ethnique nyonso ezana République démocratique du Congo. Mais na nyoso wana oyo biso to pesa parce que boyebi ke ba leader politique mingi oyo ya République démocratique du Congo mingi bazana ba beki na bango na espace grand oriental. Mais en retour, profit moko penza ya komona na boye na bana ya ex province orientale ezalite. Yango wana kotala ba rébellion nyoso eleka e bandaka kuna eleka kuna. Ba guerre ya un jour, ya trois jours. Ba guerre il y a 6 jours entre ba armée étrangère mi balé ba rwandais na ba ougandais na peli susu ba groupes armés lokola ba FDLR lokola ba mbororo lokola ba LRA ngonyo so bazala kakuna pe ba sopa makila ya bana ya ex grande orientale et belé pe ba million na bango ba kufa to bo sanité ba bande kona biso penza ya motuya lokola général Mamadou Ndala pe général Bauma yango kota la insécurité na risque menace ya balkanisation ya mboka na biso et puis sous développement oyo espace grand oriental ezana kati bana ya espace wana basi na mibali ba yokani basangana bakabola makanisi du 27 au 30 décembre 2022 facilitateur ya masolo wana wa kokamba biso ezali son excellence monseigneur Marcel Utembi Tapa thème misatu ekozala na discussion ezali nanu kimia na sécurité et kozala pe lusus développement na coopération entre ba province na biso nyonso 4 et na kosukisa to lobela makambo ya gouvernance ya participation pe ya leadership politique. La radio Top Congo toujours au top. Top Congo. Oh yeah. Top Congo ezwami na Libenge na ituka ya Sud-Ubangi. Oh yeah. Na radio Liberté Libenge 105.5 FM. La radio Top Congo toujours au top. Bano ya mvula yonoka kikwati ya mkuzi Kinshasa ya suka, ya mwishi mwongo kupesa maa, izali mwongo na batong. Kama yonko na tuko libuwa na mutoba tope 169 kor, bangonde basi mwongo kukuta maa, ete bazani na bomo ite mwongo mbula matari ya ikulu RDC nde, kuzwa mkumba ya kupesa, lukumu ya suka, peko lengi la lilaka, na baibansu basi mwongo kwa mwongo basi mwongo kwa ite misa ya botoni nzambi, ya mwongo kusale ma mingi penza mwongo mwalelo loye, ukati ya ndako bakirimbe kutope padeli peo, kulepo ya kupesa lukumu ya suka na ba imboka kama yoko na tuku moto ba na libwa topesa 69 ba ibasi bon kotel samaite ba wei aussi mali kama ya mvula e salema kibongo mbula matere ko pesa 1700 ba dollars ya ekola amerika topé 3000 dollars na libota moko moko po ya kolenga na matanga ya baye basi bon ko wa bongo soma kama tali mvula bo sai ko ba ete likambo litali bisika ya bosangisi mai topé izini ya captage ko zama na lukaira wala tuzwami na commune ya monga fula bosai ko ba ete ba kambi ba régie des eaux ilongo na ba ebateli mambi ya misala bango ba kitaki kuna po ya koyekola na tina likambole po ete yango ebebisa makasi penza ba zelo biloko ya bosoto yango etondisa mine bisika mbie mai ekoki mingi penza koleka mingi penza ba eba kofandaka na matadiki bala mama mobutu cité verte cité pumbu matadi mayo pe ba dadingi bango bazali na kokoso ya likambole po ya sikawa bazali kosala manso po ya kobimisa zelo pe misala kobongisa yango ezali kokoba po ya kosunga ete bana ya ba eba kozala karakati ya komina munga fula bako ka mingi penza kozwa mingi penza kozwa mai omi komezali koya tolanda moko kati ya bakambi ba régie des eaux emi losambi oyo elobeli ya sesi ngomba ndenge tobetaka ntangwa ntango nyinso ba izwini ya régie des eaux oyo ezali mingi okati engumba kinshasa na batandako baza kotonga en désordre basite mingi ya captage d'obrita ba izwini na biso ezali bongo envahi na ba construction anarchique toloba toloba toloba tolembi bambulo ya minene ebetikala mingi te ememaki bosoto babuna basable mingi mpenza na izwini ya njili na izwini ya lukaya meme ya lukunga bongo yango monaki izwini ya lukaya wikend oyo mobimba ezalaki ya na arret parce que bosoto wana eyingeli basable na babu eyingeli na bapompe na biso oyebi ke basable na babu ezalaka element moko très dangereux mpona bacorps de pompe ya biso alors il a fallu que bakonzi babimisa ebele ya mosolo na pasi oyo toza nango ebele ya mosolo mpona kotia bato na site wana ya captage obrite ya lukunga balongola bazelo wana na babu wana bademonte bagroupe motopompe ya captage bamemi yango na usine mpona koseche yango kokausa yango na moto na kati ya atelier mécanique na nsima baye na yango baye komonte po te ekoka bongo kosala lisusu yango wana nalombalakaka mpenza ntango bazwi sango wana mwana mboka David Chulumba DG na mwana mboka Jean Bosco mwaka DGA en tout cas balalaki pongi te bapotaki mbango mpe wikend bomba balekisi yango kuna na usine ya lokaya butu moi bazalaki wana na bateknicien na biso mpona kotia bango maboko mpona kotombola bango moral na ntina te basala mosala lombango mosala malamu po te ya solo usine wana ezonga kosala po te bana mai ba engumba kisasa baba na parti ya ouest kuna ya engumba kisasa bakoka kozwa mai meme usine ya njili eza ya lokaya na bambula eleki wana oyo ebemi ebole ya bato na kinshasa tozalaki oblige ya kokanga yango mwa quelques heures mpo nini parce que obrite wana soki ese ebebi makasi traitement ya sulfate erepondaka lisusu te motuna na mbala moko bayimboka babeleli na baye bazwaka mikano mikolo miso moko ya bayoki ya kotuna motuna na baye bazali na biyano 085 210 11 11. Motuna na mbala moko lolenge na bino ya sika ya koyeba bansango kombo na nga ashili naza shofer nasengi na komini yangalema kafe kaluka kombo sitedi prince ya kaluka ndini zete kutana na ndoko depute na biso ya kaluka toza na depute aza moko kombo sitedi nzela ya pamba ya kaluka bazobongisa uto mokolo nakomaki député national mbula mibale oyo premier ministre Ilunga Ilukamba asalaki nazwaki mikro na moma ya vote ya budget mpona korapele ke biso na kan luka bakata biso mapangu mbula ekoki zomi mpona kosala élection nzela ebima na selembao nzela oyo abandone nasengaki esalema esalemaki te kasi na mbala oyo tozwi loboko ya honorable président mboso oyo alobeli biso epai ya tata mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobeli biso epai ya premier ministre awa tozali koloba boye na budget ya mboka mbongo esi ebongisami mpo na nzela wana ekosalema pont mayenga mpe nzela oyo nanu esili te kosila sima nango pont na ngambo ya kokota selemba ope ekosalema wana makambolo ebongisami po tokokaki te kovanda kimia nazali l'unique député national oyo azali mwana ya kanduka nakokaki te kokanga monoko nde nalobaki mpe boye tozwi nzela ete makambo oyo esalema Samuel Mbemba azali député national est-ce que kolandela mpenza mosala mpo ete nzela yango esalama malamu ezali devoir etinda na ngai nalandela yango mpo soki nalandeli te mosusu azali te nde balobaka na français nazali conscient ya devoir na ngai en tant que moponami mpe mwana ya kanluka nakolandela nakotia miso nakosala sinzili po oyo na biso ezala beton koya mokonzi ya mboka azali beton ekowumela misala ekobanda nde tozali kobunda wana makambo oyo ebongisami mpo tokokaki te kovanda kimia nazali l'unique député national oyo azali mwana ya kanduka nakokaki te kokanga monoko nde nalobaki mpe boye tozwi na lisungi ya tata mokonzi ya mboka na kolandelama ya papa mboso na guvernemat ayokaki maloba na biso nzela wana ekosalema Motuna na mbala moko bayimboka babeleli na bayebazwa kamikano mikolo miso moko ya bayoka kotuna motuna na bayebazali na biyano 085 210 11 11 Motuna na mbala moko lolenge na bino ya sika ya koyeba bansango Top Congo FM 88.4 première radio d'information en République démocratique du Congo ko balandi to suki sia sango lokota la lingala po ya mbozanga mokolo malelo Chris Bula za kionzela masini Danisa Yubi pe Patrick Mungongo elongo na nzela ya YouTube ne tokuta na ngazo mina moko ko basa na mokuse 5 éditions 18 bulletins d'information Top Congo FM 88.4 première radio d'information en République démocratique du Congo Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080-812-0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Merci à vous tous qui faites de vos clients nos auditeurs. Vous nous écoutez ici au pays et partout dans le monde, les titres de votre journal. Choisis la première radio d'information en RDC. Top Congo inakutakia mwaka mpya. Ambona Top Congo, Congo. Enda nenda bitulu bitulu. Top Congo ti sans jucha jukuma. Merci de rester fidèle à la toujours Radio des Sportifs Auto. Maman massage, Ngonga la bine et Belémi, bonne année, bonne année, bonne année. Nayemba, Nayemba, Naloba. Bonne année. Nayemba, Nayemba, Nagan. Certainement compris, ce journal est complètement terminé. L'actualité est en contenu sur Top Congo FM. L'étonne pour la sangle, le côté de la lingala pour mon colombo, le lol, le tiami, armeille, ma tonne de l'obos, vous l'avez qui sont habitués à évoquer. Merci de nous avoir écoutés. L'actualité continue sur www.topcongofm.net. Jusqu'en 2099, Top Congo FM, elle sera toujours avec vous. Toujours avec vous. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission Nabino na Manaka Yasika, ya Top Congo FM. Awande Bokozwa Biyano na Mitona Nabino, Pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya Mibeko Miko Kambaka et Kolo Nabiso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h, rediffusion 20h. Contactez-nous par mail au parlons-en topcongo@gmail.com. Naïmati et qui Congo central la loi. On a gagné Brett et je vous appelle depuis le Brésil. Les amis Stéphane. Ma décision où la police est à Olaj Bazui. Ça va décision moro ya bien. Faut battre en action puis il faut pas ça suivi. Au cours de pharmacie. Rigo égalité, plafond égalité. Le chaleur mieux sur moi. Naïe moro pharmacie à tout. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Deuxième partie, parlons-en, parlons histoire. Lelo Tozali, le 20 décembre 2022. Invité Nabiso Lokolaba mardi Nyonso, Andima Koyakolo Belabiso. Histoire ya mboka na biso ezali Thomas Luaka Losenjola et ezali Moluki na domaine wana chercheur en histoire. Lelo tozolobela guerre ya AFDL pe chute ya Mobutu. Boyebi ke guerre ya AFDL Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo yango moto emema na chute ya Mobutu. Alors elekaki ndenge nini na etenia ya mbotolobi ndenge AFDL se constitua ki na ba quatre leaders na yango. Ba quatre leaders ango bazali nani, tolobeli bango pe brièvement parcours na bango et tolobi ndenge ba objectif ya AFDL ezalaki misato. Deux objectifs ya ba alliés na bango donc ya Rwanda na Uganda et puis objectif moko ya ba congolais toloba ya refaire chuter régime ya Mobutu et tolobeli pe faciliter oyo ba troupe ya AFDL dès le début ya Bitumba na 1996 ba bandai kozo ba mboka kuna na est ebeni kwei Bunia kwei Butembo kwei ti tout ça Goma bref tolobeli yango et de l'autre côté na Kinshasa ndenge mbutu mbutu ezalaki entre premier ministre Kengo Adondo na les quatre généraux bazaleki en quelque sorte ba pilier ya volet militaire sécuritaire ya régime ya Mobutu tolobeli pe entre-temps situation ya maréchal Mobutu oyo makambwane ekokuta e affaibli basali opération monene ya prostate azali na poto ake kopema na ndako na ye na Nice donc très compliqué les dernières heures du régime Mobutu. Tozalaki tout à l'heure, tosukisaki en tout cas na conflit entre Léon Kengo Adondo, premier ministre, pe ba généraux au ba simba ki volé sécuritaire ya régime ya maréchal Mobutu bazo fundana suite ya ba défaite oyo ba phase ba force armée zaïroise bazo ko enregistré na terre de koto malwa. Merci Mingi. Donc tokomi ba militaire ba lobby kengwa donde toko tsele ba état de besoin aza ko honorer en côté pour na biso to sala bitumba. Azali ko bougeter. Donc kengo aza la volonté ya ko bloquer biso. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que la campagne hein, et à qui Kotambola, Mingi, Oye Bakoma Kotambo, Sake Kengo, Wadondo, Azalaka, Rwande. Tulobaki Ango, Kengo, Azal Rwandete, Koko Nae Amwasi, Nde Aoutaka Rwanda, Meye, Azali Rwandete. Donc voilà. Kengo Donda Lobi, non, c'est vrai, je reconnais, ba militaire, Bakot Saki, état de besoin. Mais Bakot Selinga, état de besoin, il y a 100 millions de dollars. Bakot Selinga, 100 millions de dollars. Abi, déjà, c'est très excessif. 100 millions de dollars, les amis, et ça, quand les généraux, ils ont dit que les gens ont dit que les gens ont dit que les gens il faut que les maximum ya mbongo voilà les gens ont dit état de besoin excessif. Il y a 100 millions de dollars. Il y a des gens qui ont dit que les gens ont dit voilà pourquoi on a refusé que les gens ont dit parce que c'est une fantaisie. Et puis, de toute façon, on a coupé sa bango et Kozuama. Oui, mais parce que Bandeko Bauti ko se joindre na biso de la résumé, il faut baiba que Kengo Azali peut reprocher na ba résumé wana na ba généraux wana que carburant. Faut bazali ko pesa pona guerre et zoko mana fronte. Et zoko mana fronte, et zoko te kamara na Kinshasa. Camp militaire et tout ça. Exactement. Donc et puis le fait que ba généraux wana ba ki na fronte. Exactement. Na ba cortège minene wana Kinshasa. Donc voilà, sikoyo tension et komata omoni wa lobito ko tsaka eta de besoin ke ngolobi ya solo ba ko tsaka me 100 millions de dollars ya ngona sikoyo ba généraux ba décider sikoyo ba passer na offensive militaire te mais médiatique ya ngona le général Eluki chef d'état major général akubengi sa point de presse abengi si point de presse na point de presse alobinini alobi nazali ko dénoncer ba manœuvre ya sabotage ya gouvernement pour nous ridiculiser la phase. Donc, Kengwa donc dans le point de presse et Luki, Kengwa a réagi, a eu une décision de suspendre immédiatement notre fonctionnaire général Luki comme chef d'état-major général. Kengwa a suspendre Luki dans le mouture armé. Donc, Mobutu Azate, Azan repos médical. Awa, armé na gouvernement a couteau tiré. Voilà. Mbutu. Kengwa à suspendre et puis à informer maréchal. À tenir un message de maréchal, message à lobby voilà. Ngaï na suspendre chef d'état-major général, Nazako Senganayo au révoquer. Parce que Ngaï premier ministre, n'a pas pouvoir à révoquer. Naka n'a pouvoir à suspendre. Mais Nazako Senganayo, si quoi, le coup l'angana suspendre, il faut y révoquer et l'ouki. Mais justement, tout est mananoua la moke. Et là, on a l'ingin à comprendre. Par rapport à fonctionnement à Mboka Lelo. Tout à fait. Armée à Sengi, selon le Premier ministre Kalakengwa Dondo, 100 millions de dollars. Tout à fait. Pour la basse matériel et tout ça pour la bitumba contre FDL. Mbongwana babane ko pesa ngona ba généraux na armée, comment ça se passait? Parce qu'aujourd'hui, je sais que matériel militaire, c'est le gouvernement qui achète non. Et met à la disposition de l'armée. Je sais aussi que les fouti motivation à ba militaire, et ça. L'État ne mutafuta rabango na basirku. Non, à l'époque c'était compliqué. Ba généraux ba neko zambongo ba mo ba s'occuper ko somba na ko futa. Donc voilà comment c'était. Donc ba mo ba pesi ba mbongo l'équipe ba mo ba ke olugwa ko zibuye ko somba. Exactement. Donc voilà yango na sekoyo Kengo Adondo très en colère à longoli Eluki à Sengi maréchal à lobby il faut olongolaye. Et puis à bagisi message pas maréchal ceux qui ont révoqué et l'oukite, naï comme premier ministre, nazali ko démissionner. Ba généraux peut ba réagir. Bango peut batinder le maréchal message. Ba ebisi message maréchal, maréchal, sala attention, Kengo Adondo a sa ko préparer coup d'état. Stratégie na eza boye. Biso ba fidèle na yo, ba généraux, biso ba toza ba batou na yo. Kengo Adondo a sa ko linga yo, o longo la biso. Soko longo li biso akotia siko ba généraux o ya obedience na ye. Tango siko ba généraux ne ba kozo wa position, voilà comment siko yiko facilite ye a sa lo coup d'état a longolo na pouvoir. Alors que biso za ona pona ko défendre ba intérêt na yo. Donc maréchal a zu ba rapport ya deka, maréchal a zaï dépassé. Siko na sa anine, Eluki, Baramoto, Mavwa, nanzimbi balobi non biso teza batu na yo il faut biso ndeto okengela ndako awo de kengwa lobi soki olongoli elukite ngai nazoti kape makambo maréchal en fin de compte akoya kozwa décision o baloba kana français couper la poire en deux donc akozwa décision mibale décision ya liboso pona ko sala plaisir na kengwa dondo a confirmé révocation ya eluki alobi non kengwa zana raison eluki musa lesili vanda si ko pona ko sala plaisir na groupe ba 4 généraux akeko zo moko na bango donc général Baramoto wazala ki président général ya garde civile général Baramoto Mobutu a nommé chef d'état major général intérimaire donc voilà comment ça sali politique en tout cas voilà comment Mobutu a réglé problème wana si ko tangu a nommé général Baramoto chef MG intérimaire et qu'on démoralise ba soda. Ponanini, parce que ba considérer que Mobutu a cotisé tribalisme. Ponanini, Baramoto Azali Mungwandi. Alobi voilà, Mobutu a poni bandekonaye, et comme si ko problème Bangwandi, si ko yo, biso tokoku fait la pouvoir à Bangwandi Ponanini. Voilà un peu campagne intoxication, et kotina kati armée. Deuxième chose, batwaza kotambu sa maki bruit et banda kotambu la adversaire à général Baramoto. Comme quoi, Baramoto azalaki civil, la salle armée, alors que c'est faux. Le général Baramoto a kotaka armé natango Mobutu te, Baramoto a kotaka armé le 6 juin 1964, na époque ya président Kasavubu. Donc, ce n'est pas un civil, Mobutu azoki na balabala, Baramoto a sa formation militaire depuis Kala. Donc voilà, dans tous les cas, nomination ana ezwami nandenge yamabe et démoralisé bato tozongi siko lisusu tokine otala bande kona biso totika ki na Goma voilà. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de longi mo lili. Voilà. Donc, entre-temps, AFDL Kuna Zoko Poussa na lokola Mbeli na kati ya beurre de résistance ezate. Tout à fait. Ba ville nyo so minene minene ya Est Kwei na espace il y a quelques jours. Koto na kisasa président de la République azana repos médical na Nice na France et awa gouvernement na armée bazo bendana. Voilà. Et ça ne peut que profiter na ba moraliser peu ba soda mususu toko kene okufi la pouvoir ba ngwandi ponane. Na Goma sikoyo AFDL ba décidé ba sala mwa mini congrès. Mini congrès na bango et salami du 31 décembre ti na le 31 décembre 1996 au 4 janvier 1997. Congrès ba bengezali deuxième session du Conseil constitutif de l'AFDL. Ba décision nini bazui, ya liboso tomonaki na le 18 octobre tant AFDL salamaki ezalaki plateforme ya ba organisation mine. Na congrès wana ya Goma ba décidé sikoyo ezali sous plateforme était AFDL comme mouvement politico militaire do ba fusionner ba ngonyonso. Décision ami balé Laurent Désiré Kabila o ezalaki porte-parole ya plateforme a commis de fait président ya AFDL. Décision ami Satou Deogracias Bouguera président du conseil constitutif ya AFDL a commis secrétaire général ya AFDL. Donc deuxième personnalité. Deuxième personnalité. Troisième décision, général Kisa Sengandu a commis commandant des forces de l'Alliance. Voilà un peu ma décision na ezwami na Goma na le 4 janvier 1997. Mais deux jours après, Kisa Sengandu a décidé à kende kosala inspection na ba front Oyanor Butembo Beni ata la situation ndenge zali ko évoluer na entrée ya parc tamba bimi Goma entrée kaka ya parc ya Virunga Kisa Sengandu azali tué ba bomiye akufi le 6 juin batu o ba mona ki senwa na ba babenga wana ni ba batu ba ba chasaka na na kati ba ya ba, ya ba parc ba gardien de parc gardien te o ba miyibi ba yaka kuma ezala komo mongo français bo donc voilà bato ba chasaka na kati ya parc wana ba batamaki ba moni sen wana sen c'était quoi cortège ya Kisa Sengandu ezalaki na 36 personnes qui s'assengando azalaki na quatre gardes du corps ba ba membre ya cortège na ye ba bomi qui s'assé beteli s'assé na mutu na ba garde de corps na ye ba bomi ba zui bidon ya carburant ba sopi na corps ya qui s'assé ba tombia mona kati ya parc. Donc selon ba témoignage ya ba braconnier e mona manda ko lukaya mwana ya ba braconnier ya parc. C'est les militaires rwandais de Baboma qui s'assengando le 6 janvier 97. Ponanine. Qui ça c'est Akoufi Ponanine? Qui ça c'est Akoufi? Parce que tout le monde a un objectif officiel. Il y a AFDEL. Donc, ko Panzabakan, ko créer une zone tampon pour protéger la frontière de Rwanda na Ouganda et puis ko renverser Mobutu. Mais qui ça c'est Ngando a quoi découvrir l'objectif Moussous? Au bas ben gakaba objectif occulte et zali ne ba objectif caché ya liboso qui ça c'est ngando akwa ko se rendre compte que ba rwandais ba ina aidé à koiba ya ko piller. Comment ça se fait? Par exemple, lorsque tango goma ekoyi, ce sont les militaires rwandais de ba piller résidence ya Mobutu. Au bas comment obenga on le gouverneur ba militaire ba piller résidence ya Mobutu ba kati si biloko ba tuyon so ba zo ne ba ka biloko. Ba piller quand contingent, quand mon cousin est là, il y a qui est militaire à DSP, ba bande ko kenge la ba kamba réfugié, ba militaire rwandais ba piller. Domaine ya Katale. Donc voilà, il y a plusieurs actes comme ça. Ba tout, ba militaire rwandais ba zali ko yiba. Biloko ba okatsa ngo na ngaba bi, mais ba li andenge nini yo, ba ya ki na idée ya ko yiba. Donc ba za ba miyibi. Alors bi objectif na mongo ko yiba Congo. Wana nani objectif est liboso à découvrir. Objectif yami balé a eko découvrir que ba Rwandais bazana ambition projet ya ko contrôler totalement politiquement AFDEL. Nandenge nini? Alors bino sokito sa la réunion AFDEL biso ba congolais parce que AFDEL les a biso o komona ba officiel rwandais pe bazo ko tena kati ya réunion. Ba komi ko participer na ba réunion na biso alors que cela makande ngona te. Biso il faut to sa la réunion na biso comme ba congolais te lever ba option. Après, tu as se concerter, tu as harmonisé. Mais tu as déjà réunion, tu as participé. Infiltration, tu as voilà. Troisième objectif, qui ça, c'est comment on a non déclaré. Alors, le Rwandais, il y a un projet qui contrôle le Congo. Alors, il y a un projet qui contrôle le Congo. Il y a un projet qui l'État, comme président de la République, à travers lui, il contrôle le Congo. Donc voilà ce qui ça c'est à découvrir et qui ça c'est va parler avec Laurent Kabila. Alors bien déco, voilà on a découvert l'objectif. Laurent Kabila a dit non, ngai naza avec l'été, j'ai vu nanga pe na mona kiango. On a la même analyse. Sikoyo qui ça c'est nganda proposé alors bien voilà. Comme balé na biso bazaba miibi, na moni to diminuer influence na bango ou bien to bana aussi na bango awa parce que to ko na bango musikate. Wana proposition ya kisasi. Mais si koyo Laurent Kabila abina ondeko yo sala otanga babenga ko matérialisme dialectique. Matérialisme dialectique ça philosophie na je expliquer rapidement. Na ba révolutionnaire batangisaka bango soko za ko sala révolution. Il faut ko yeba ko distinguer contradiction principale na contradiction secondaire. Alors bibi tumbo tozo sala wapi contradiction principale na biso. C'est le régime de Mobutu. Aller à Bissot Bazaba Miib est comme une contradiction secondaire. Et puis, deuxièmement, dans la guerre révolutionnaire, dans la guerre de l'Union Sobalaki il ne faut pas qu'on pense à la force. Qu'on s'attaque à plusieurs objectifs à la fois. Qu'on fasse le front et l'été. Il faut qu'on concentre les efforts. Ce qui est le but à la fois, tout ce qu'on est dans le monde, tout ce qui est Mobutu, tout ce qui est Rwanda, et donc, tu peux jouer. Donc, Neko, Kanga Misu, na makamba so sala, biso to kwesa na Mobutu. So to kwesa Mobutu, to kota la siko dossier ya ba Rwanda. Donc, voilà la stratégie que Laurent Désiré Kabila a proposé, mais qui sait, c'est comme il était impulsif, Balabi, Moutete là, moi, la Moutete là, Zamoumboute, Moto, abandonné déjà que soit na ba Rwanda, na Goma. Voilà comment ba Rwanda, ba leva qui option, il y a un moment qui sait, c'est Ngandu, na Park. Ouais. Donc voilà comment qui sait, c'est étué. Qui sait, c'est Akoufi, mais c'est quoi qui sait, c'est en Akoufi, deux jours après. Cousin aye qui ça c'est ngando c'est ngai cousin moko na poto aya ko rejoindre na bitumba cousin na pe aye bite ki ça c'est Akoufi a komi na Goma wana ndeta ngwa komi na Goma ba informer que non malheureusement ndekono akufi oh et ça les mawa et décourager alors dit OK comme mutu na yela ki akufi ngana zo zonga Laurent Kabila bengi cousin ya que ça ça binon ndeko yoza révolutionnaire qui ça c'est akufi la meilleure façon ya ko honorer mémoire na ye zaltikala na ngaya wa to continuer bitumba oyo les cousins de Kissa Sengando ou aye ko rejoindre Kissa na goma me asia kufi komo na ye François Olenga akoya koma général François Olenga officier munene na AFDEL to na FRDC donc voilà mais si ko omoni déjà ndenge Kissa Sengando bengi si cousin na ye Laurent Kabila pe aza na même idée abandi ko bengi sa ba ami et connaissance na ye o ya diaspora comme ça tout temps assez rapidement quelques hauts cadres il y a AFDEL au Bakokoma à partir de janvier février wana na Goma bao baouti na diaspora bae ko rejoindre ye tozali à partir de novembre et décembre 96 Paul Kabongo asalaka Algérie asalaka na Algérie et puis Kabongo akoya comme numéro 1 à ANR tant Laurent Désiré Kabila akozo pouvoir tozana Gaétan Kakoudji akola na Laurent Désiré Kabila ndaku moko na manono Tata ya Laurent Kabila mutakoli sape Kakoudji, tata ya Laurent Désiré Kabila tumona ki kumbo na ezali Désiré Taratibu. Donc yangona batu andao kanisa ki baza bandeko et Laurent Désiré Kabila considéré Kakoudji comme petit frère na eme baza ki bandekote. Donc ah, parce qu'on le présentait comme l'oncle et ancien président de la République. Exactement, exactement. Mais Bazaï Bandekote. Bazaï Bandekote, Kakoudji Azaki, moi, Sylvestre Masumbuko, Sylvestre Masumbuko, Azaki, camarade de Taratib. Donc, Nago Matangu, Kakoudji Akomiwana, ba nommé secrétaire général adjoint à AFDEL, donc adjoint à Bouguera. Et puis, Akoya Koma, commissaire aux affaires étrangères de l'AFDEL. Ensuite, en avril 97, 3 janvier 98, Laurent Kabila a nommé gouverneur à Katanga. Et puis, à partir du 3 janvier, il y a Laurent Désiré Kabila, le 16 janvier 2001, a été ministre intérieur. Moutouami Misatoye, comme on a dit à Angoulou, a nommé ministre de l'Environnement, a été ministre de l'Environnement et du Tourisme, tant qu'il y a eu le pouvoir, et puis ambassadeur à RDC en France. Moussousou Aubert Mukendi. Aubert Mukendi, ancien représentant perpétuel en Europe, il est pas koyawana. Après Bitumba, akoya comme directeur de cabinet du président de la République, Laurent Désiré Kabila. Raphaël Genda koya, Mawampanga Mwanananga, Mwenze Kongolo, et puis Pierre Victor Mpoyo, wana staff ya Laurent Désiré Kabila bako rejoindre na Goma. Et puis tout monde qui sous quelques anciens militaires, peut bako rejoindre AFDEL, Marcel Luange. Aye, Kabila a organisé la police, colonel Yamba, ancien auditeur militaire, général Munene, Pe Akoya, général Munene Azali neveu, il y a Pierre Moulele. Pierre Moulele, c'est la carabillon Munene, Munene, neveu Naye, Akenaka Angola, ou Asala Kibitumbakuna, et puis général Moufoupe. Voilà. Général Moufoupe, Akoya, commandant ancien général Katangé, général Moufouye Moutou, à Sala qui va opération guerre ya Chaba 1, Chaba 2. Tant que gendarme Katangé Batakara Mobutu, Moufou Moutou, à Sala commandé ba opération. Na commandant Delphin Moulala, Bakoya. Bangonia so bazali na diaspora. Diaspora, Bangotu batu ya diaspora, ba région de Mouze, na Goma. Et puis, au moins kike. AFDEL au départ, la rébellion de Banyamulenge. Donc, Banyamulenge, Bazaraki moi, Mingi, et Banyamulenge, à part les militaires, il y a quelques cadres. Donc, il y a autant de bango. Moïse Nyarugabo, a rejoindre AFDEL, wana, Mouzia, qu'on nommait secrétaire général à la présidence de l'AFDEL. Comme il y a Dirkab, parce que un peu petit à tout faire, il y a Mouzé, comme on a Nyarugabo. Actuellement, député national. Député national, Nyarugabo. Azalaki, ancien étudiant à l'université Lubumbashi, et c'est qu'il diplôme na licence en droit, a comme juge de paix na tribunal à Rouachi Kampemba, Moïse Nyarugabo Azalaka juge na Lubumbashi, et puis a koti ka musala magistrat, a comme avocat à la cour d'appel de Lubumbashi, na 92. Et puis tant que comme à Kinshasa, Mouzé a nommé secrétaire général à la présidence de la République, avant Atindaye, numéro 1, il y a Obema, office de bien malaki. Moïse Nyarugabo Mutazalaki Kono. Deuxième, tout il y a Sud Kivu, comme on a Azares Rouberoa, Mounyamulenge, il y a Asali 4e et 6e secondaire, il y a Kalemi, Atangi na Kalemi, et puis Tangwazu diplôme d'État, à Kekotanga na Université à Lubumbashi. Azali licencié en droit, avocat, Azali qui est avocat dans le cabinet, à Maître Mbune le Tang, na Goma a commis Dirkabia commissaire aux relations extérieures, AFDEL, Bizimakara. Bouguera et Azares Roubera côté na politique sima ya bizimakara comme Dirkab. Et puis na Kinshasa tangbokoma na Kinshasa wa bizima a comme ministre affaires étrangères a gardé kaka Roubera comme Dirkab naye na affaires étrangères. Et puis tokwa komona en 2003 Azares Roubera akoya comme vice-président de la République. Et puis voilà ba misusu bizima karanatangi dugwa mulenge mouche na sud Kivu na nord Kivu ba tout ya nord Kivu Michel Ruda Tengua, Lonia Kanyamuanga, Emmanuel Kamanzi, Deo Gracias Bouguera. Donc voilà un peu situation. Il y a Afdel Naba Kadre Oyo Bazu. Tozongi si kona Kinshasa. L'Afdel donc s'est renforcé. Et s'est renforcé Naba Kadre. Hein, voilà. Il y a diaspora, Naba Nyamulenge, Naba ancien militaire. Voilà. Tozongi si kona Kinshasa, Tomona, retour ya maréchal. Hein? Maréchal Tomoni Kazala qui opéré, Namoya. Il y a août, à Kendaki repos médical. Mobutu a eu zonga na Kinshasa awa le 18 décembre 1996. Koyamba oba kinoa bayamaki Mobutu ye moko a reconnaître ango pendant règne na yel batikala koyamba ende ngonate. C'était phénoménal, c'était triomphal. Batunyon sorbi, maréchal aye, a eu réglé ba problème nyons. Le 18 wana maréchal a kosala discours. Alobi ba nguna nanga ba poignarder nga na mukongo ba profiter lokola na zana maladi ba poignarder nga na mukongo mais na zongi nga moko na za ko répondre na zuma kamuna maboko et puis na ko répondre na ba préoccupation ya population. Je prends les choses en main. Voilà. Préoccupation ya population ezala kinini. Population en général na ba kakinoise en particulier bazala ki na trois préoccupations. Préoccupation ya bango ya liboso baza ko senga retour ya général Mayele à la tête de l'armée. Mayele, il faut remplacer général Baramoto, qui fait l'intérim na chef MG. Parce que dans les quatre, il y a bateau basima et sécurité, général Mayele a zalaki. Mayele a zalakite, Mayele a tchaki pembe. Deuxièmement, deuxième préoccupation à la population, bako senga nomination ya Etienne Tshisekedi comme premier ministre a remplacé Kengo Wadondo. Kengo, il faut alongwa Tshisekedi comme premier ministre. Et puis, troisième demande à la population, il faut Mobutu à écraser ba rebelle na ba allié na bango na est du pays. Voilà maréchal Obina yoki message na bino, trois messages wana. C'est pourquoi le 19 décembre ayé le 18 Lobinango, le 19 décembre Mobutu a signé ordonnance présidentielle oyo a nommé général Maele Bokungu Lieko chef d'état-major général ya ba phase en remplacement ya général Baramoto. Population ba salifeti balbi mayele aye sikoyo bokumona makambo ko changer. Premier ministre Kengo asepeli pona nini po kan ba adversaire na ye koyi omonaki eluki deja si akoyi Baramoto sikoyi koyi donc Kengo aza très très content alobi ba adversaire nanga ba kena bande de touche le 30 décembre non le 20 décembre le 19 Mobutu a nommé Mayele. Le 20 décembre, Mobutu a présenté Mayele na, à la presse internationale. À ce point de presse, à l'objet, Botel a numéro 1, c'est qu'il y a armé, Yeyo Mayele. Le 21 décembre, Maréchal Mobutu a convoqué une grande réunion d'échange avec la classe politique. Na cité de l'Oya, na 10h, à l'objet, tout boya, ba député, boya, tout solo là, pour Makambo Yamboka. Si quoi tant bato akekuna bato nyoso ba mati Etienne Tshisekedi pe azali invité yepe amati vie chichi a komi na cité de Loya atuni bana bazana kati ya salle ba pêche rapport bato boye baza déjà kuna et tout chichi alobi dans ce cas là ngana okuta na salle te o vie okuta na salle te ponani abi po ba délinquant politique mingi batondi kuna o bazaki batu na ye isoral ba bwa ki savie ba kenda bangonde ba votaka Kengo Wadondo ako ma premier ministre abi ce sont des voyous des petits opportunistes ngai na koiko se mélanger na bangote babi na vie makambo ezali awa yo kotaka na kati ya makambo mboka abi non na ko bujete ba ke ko se dire ka bia maréchal Vundo tepe mako ke Tshisekedi azali banda aboyi kokutana sana Vundo wabimi eko sola Tshisekedi binontala Etienne makambo denge zali awa Kengo dynamique denge zali Kengo ifo ko yalelo donc yo ifo ya nakati ya sala tango Kengo ko yalelo yo ndesiko yo po constitution tangwana eza ba député Hein, parlement de proposaka premier ministre et le président de la République. Premier ministre, on a, il faut que tu aies une famille, il y a Mobutu, hein, famille autre que celle du chef de l'État. Donc, il y a un profil, on a, donc, il y a un cas salle, donc, tout ça, la makambu, tout respecter procédure, il y a un premier ministre, a dit non, on a un côté. D'ailleurs, Koutou, na moni logo na zofande la te ngana zongi ndako oh chichali nga zonga ndako boye Saddam Hussein Kongolo Mobutu Kongolo Mobutu ayoki ke ve chichali nga kene Kongolo ye alandi ve chichi abino papa tala ko kenete ko sala bien te abime ngana ko kota na sala na te usot ba voyu na babimi ngana koti soki bazana kati ngana kota te abime papa ko kenete vandana na pembeni awa Kongolo avanisi vechi sekedi na sal moko wana na cité de Loya apese sika kuvana misiko moni ba tractation wana vundo wa bimi Kongolo ye oh. Et moi ba fuite komi ko sala ma fuite ko titi na kati ya sal qu'est-ce qui se passe na Libanda ba expliquer ba tout que non voilà vechi chaza Libanda alobi ya koko tete parce que bino ba delinquant bozali awa donc soit bino bo bimi na sal ya koti soki bino bozana ya okota te ah. Abi mais vieux bon ni à respecter comme ils sont debout. Bon vieux local la ligne guerre à comment on appelle guerre là. Yangoana, bah député ya Isoral, na bah député ya mouvance, oh y'a battu à Mobutu, y'a FPC, Front, Force politique du conclave. Les deux groupes là, bah ils se concerter, bah décider, bah reconduire Kengo Adon. Babi loko achi sege de zao respecte bisote bisote scopé tout relax ça y est, bangoto bah y'a barré propre. Alors que Mobutu a pesa qui mot d'ordre de batoune ba mouvancier ba ko isa kengo ba pona chisekedi donc Mobutu azali surpris azali déçu kombo ya kengo nde ye kengo azali reconduit Mobutu azaki na chwate a reconduire Kengo Adondo le 24 décembre 1996 population ezali déçu. Pour la population, makamwana qui est constitutionnelle, bien non, ezaka kaba manœuvre. Y a Mobutu a beau économiser Tshisekedi, alors que à l'époque, je rappelle, Tshisekedi est l'homme le plus populaire na Kinshasa, si pas du Congo. Donc voilà comment Kengo est reconduit et Tshisekedi n'est pas nommé premier ministre. Épisode wana, il y a 24 décembre wana ndeko ya ko marqué divorce entre population na Mobutu. Ndesika population à Congo, Basilanaki, Mukolohana. Basanzi et Penza. Basanzi alors que quelques jours plus tôt, le 18, Bayambaki est voilà. Si Koyo, tout mon ananou, ba déception, il y a Général Mayele. Général Mayele, ba outu nommé chef MG. Général Mayele, azali déçu, na maréchal Mobutu. Ponanin. Général Mayele, apesi Général Ndimbi ordre. C'est lui le chef MG. Despe ezali et teni. Il y a phase. Hein? Il y a le chef d'état-major des forces armées zaïroises. DSP, c'est une partie à phase. Comme chef MG, il a une autorité sur Ndimbi. MG, état-major général. État-major, voilà, état-major général. Et puis, c'est général Ndimbi. Ba arme, na ba munitions, matériel, il y a un kibomango. Il y a DSP. Pesanga yango, na tiango na bitumba, toke ne kobunda. Ndimbi, alors, non, chef MG, il y a un problème. Te. Mais demain, il y a un salingaï. Ngana koto sate, kende kope sa, kwebi sa maréchal, maréchal ape sa nga ordre. So maréchal ape sa nga petit matériel, équipement na disposition, non, ngana kope sa yo. Ah. Maele pa lobi, ok, problème, exate, genan maele ake ou mona maréchal. Abi maréchal, voilà, ngana pe se ordre pa nzimbi, ape sa matériel, na, epa nga pona tiana bitouma ya despe, aebi sa nga non ya koto sate, il faut yonde ou pe sa ordre. Maréchal a dit non, Ndimbi a sa droite, Ndimbi a sa ko dépendre na yo, Despe a parti à face, Ndimbi fwa to sa yo, Ndimbi fwa pe sa ma. Maël etant ma yo ki maréchal, Maël abi maréchal a changé te. Eza ba jena bango. Eza ba jena ye, eza ba jena ye, Ndimbi a ko eko boya ko pe sa nga matériel te, so ki a zu instruction maréchal te. Les vieux continuent à sa la ba double jena yo wana, nana lembi. Nana lembi même mboka eza na bitumba aza continuer na politique na ya ku diviser kabatu si kwa lingi a opposer nana Ndimbi comme kwa Ndimbi aza ko boya ko to sangai alors qu'il endeza kwa tete Ndimbi. Donc voilà première déception il y a général Mayele vis-à-vis ya Mobutu. Mobutu et puis Mayele a comme il est sous déçu na gouvernement Kengo parce que lobi baza ko tia pe ba moyen na disposition na ngai po na sala bitumba et puis déception sous ya mayele ezali dossier ba mercenaire tokomona ngo après Mobutu asa ko recruter na ba seti ba mercenaire ba ya ko sala bitumba ye chef d'état major général il n'est même pas au courant donc ayebite ba mercenaire ba utuapi ba matériel ni ba pesi bango ba tini bango na front nini donc ezole kelai et puis quatrième dernier dossier ba arme baza ko pesa ye na ba munitions ezali ko correspondre te donc il est vraiment très déçu. Mobutu, à quoi il y a Kinshasa, à qui na Guado, pendant qu'on est fêté, la fête est fin de l'année. Moi, je te disais en décembre 1996. Mobutu, à qui na Guado, pendant qu'on s'alla, qu'on fêté. Tant qu'on est na Guado, qu'on a fêté le 6 janvier 1997, Mobutu, à quoi yamba na Guado, l'été président ya Kenya. Ba benge kombo ya Arap Moi. Arap Moi yenani? Arap Moi azali sommet ya Nairobi 2, tokomona tango tokota bakambo ya ba négociation. Nairobi 2 eponaki Arap Moi, président ya Kenya, na Mandela, comme ba médiateur. Ba médiateur ya conflit congolais. Donc Arap Moi ayeko mona maréchal na Guado le 6 janvier, alobi voilà, maréchal ngane ko tala yo to échanger sur situation. Mobutu alobi non. Ngai nazana ba preuve nyonso awa. Ndenge nini tozali agressé, nazali agressé na Rwanda, na Uganda, na Burundi. Mobutu abinisi ba document nyonso azalaki nango et en plus alobi esuki ka na 3 pays wana te. Nazana ba preuve ndenge nini États-Unis d'Amérique eza sima na bango. Donc Rwanda, Uganda, Burundi na ba américain nde bazali sima Afdel, voici ba preuve nazana ngo. Apesi Arap Moi ba preuve. Le 9 janvier 1997, président Mobutu a décidé à longwa Guadolite à kende poto pour na contrôle médical. Tant que population ba yo ki awana Kinshasa ke Mobutu a zongi susu na poto, donc bazali totalement découragé parce que pona bango biloko bande ko senga ye asali angote Tshisekedi a commis premier ministre était. La contre-offensive foudroyante et totale où le général Mobutu a été proclamé et salamité. Donc rien n'a changé entre le 18 décembre, tant que Mobutu a été en 1996, et le 9 janvier, tant que Mobutu a contrôlé la poto, la population est allée décourager. Entre-temps, FDL est poussé en la FDL est allée poussé en la mais si il y a un élément qui est poussé en la carte, il y a un paramètre qui a changé pour la nini. Angola et quoi qu'on décide et Kota Bitumba na côté ya Afdel. Angola ou Kota Bitumba n'engenini. Na mois de décembre tant Mobutu aye. Mobutu qui était un grand militaire, un grand stratège, azako bunana ba Rwandais, ba Ougandais na Afdel, mais azako banga soki Angola et Kota Bitumba ngo. Qu'est-ce que Mobutu va faire? Atindi mwana na ye na décembre, na identifié mwana ngo te bangolais ba singa kage. C'était l'un de ses fils, mais jusque là n'a pas d'identité. Je pense que c'est Zalanzanga Mobutu. Atindi mwana na Angola na Luanda akende komona Dos Santos na batunaye. Message nini Mobutu atindi le bangolais. Alobi voilà, ngana zana bitumba na kubunda na Afdel na ba Uganda na ba Rwanda na sengi bino. Voici ce que moi je vous propose. Bo garder neutralité na bino. Boko tabitumbo ote, en contrepartie, ngai na s'engager na ko soutenir le sous Jonas Savimbite na UNITA. Donc na tiki makambwana en contrepartie bino boko tabitumbo ote. Dos Santos na batuna e balobino maréchal azaka sincérité. C'est pas la première fois ko sabiso. Qu'est-ce qui nous garantit que tout rope a ko sabiso te? Dos Santos azala ki na raison ya ko douter sur la sincérité ya Mobutu. Pourquoi? Parce que bako ya ko zwa information tant ou moins nané ake na Luanda émissaire na ake na Luanda pona ko pesa message na pa ba Dos Santos Mobutu atindi émissaire mususu na Bailondo na fief ya Savimbi pona ko senga soutien Savimbi ba service ba renseignement ya bangole qui sont très très efficaces baza na information ba bita la moto yo ako changer te azako lali sabiso pongi mais côté kuna azako senga soutien ya Savimbi. Merci mingi ndeko tomalo akalo senjola tokutani na sima basango na bokuse na lokota ya lifala ya lingala pona kosukisa. Parlons histoire ya mokolo alelo, la guerre de l'AFDL et la chute du maréchal Mobutu. Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payable en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Emission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awa nde bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka et kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Toujours avec vous. 88.4, la fréquence utile. Top Congo, il est 11h. Le flash d'info avec Myriam Boketchou. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Top Congo FM. Mukambie kolo Congo démocratique ya Rosila Zilami lobby lokoya okati ngumba mbanda kana ituka Equateur oya kolengela mingi pizeli kita poya mbala ya libwa ya bakambia bituka ya kolo Congo démocratique bongo masoro maye makolo bela puma kwa matali botongi pu botomba meba territoire kama yoko na tukumina na mita na tope 145 territoires ya ekolo Congo démocratique. Top Congo FM. Lelo okati ngomukozi Kinshasa mingi pizeli okati ndako bakini beko misa ya botoni nzambe po yoko meme milimo ya bato kama yoko na tukumoto wana libwa tope 69 personnes ba yebasila ngomuko wa usimali kama ya mbula ya enoka kio mazomi na misa to ya sere to zadina ya ngo mbongo sayo kwe ba iti mbula matari ya ekolo RDC ya pese mili misa to tope $3,000 na libuta moko moko po yoko lengi la lila kato puma tanga bongo misa maye ya mwiko sale moka kati ya ndako bakinibio kwa yukulu RDC kwa pipa iba ima bota bakambi ya yukulu kuhuli demokratiki bakinibio kuna pipa tu ya ndenge na ndenge bako ya kupesa lukumu ya suka na baibansu basi mwoko wa batata ba mampiba na bake baiba vungi sakibu mwibabango osi mayavula ikasi enoka ki ukati ingu bakincha sa poso muliki Top Congo FM esengeli kusolo la po ya kupesa biyano bisengeli kwa makamatali buzangi bukengi ukati ya yukulu kuhuli demokratiki mingi penza buzwa miwa tupoki ba M23 bozomi ya bamboro na kati ya ituka ya otu wele pe ya bazu wele na pi bozomi ya batomboki ba def na welongo na bakodeko na kati ya ituka ya ituri sangwe pesa na mkini mbeko Geneviève Inagosi na bulandisa maka mingi peza na yoko likitali kusangi sabai ituka ya Grand Oriental tope ituka ya Oriental na mwene na ngo ya kala elongo na Monseigneur Marcele Utembi mukambi ya Senko po ya kusolo la pi kuluka kopesa biya nubibi singeli po ya kuzungi sa kimi ukati ituka ya oriental na mwene na ngo ya kala. Top Congo FM. Ikano ya makasi mikuzwa malilo kubandisama na mbukuta ni mbubuzali kusali mukati ya mbubali mbashi na ituka ya okatanga wapipai mukambi ensemble kula republik Moise Katumbi ya zali kulengela po ya kuzwa mikano ya misengili po ya kukendo maponomi ya 2023 ya zali yumokote ya zali kuhili laibonga po ya kupesa nkombo tope kandida na kombo ya ensemble kula republik izwami wana Moise Katumbi moku kati ya bakiribe kwa Daniel Safu na pe moko kati ya bayi politiki ensemble pour la République Maître Laurent Onyemba. Top Congo FM. Baliko balanda bokuse to suki sangolo kota la lingala awa na sunga maki na Chris bivula na basini Dani Zaibi Patrick Mongongo elongo na Didi 26 wa dalaki na nzela ya YouTube ndo tokutani ubango ezali koya boko bakulanda biso. 5 éditions, 18 bulletins d'information. Top Congo FM 88.4, première radio d'information en République démocratique du Congo. Une rédaction en contact permanent avec ses auditeurs. 080 812 0812. Information avec Top Congo FM 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ce journal vous a été proposé par Equity BCDC. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka e kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Top Congo FM, toujours ici. Jusqu'en 2099, Top Congo FM, elle sera toujours avec vous. Toujours avec vous. Toujours avec vous. Toujours avec vous. Limité, jamais égalé. Top Congo FM, toujours imité, jamais égalé. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Émission na bino na manaka ya sika ya Top Congo FM. Awande bokozwa biyano na mitona na bino pendimbola. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Explication. Likolo ya mibeko miko kambaka e kolo na biso. Que dit la loi? Mobeko et Lobinini. Chaque mardi à 14h. Rediffusion 20h. Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Top Congo FM, donnez à votre cerveau ce qu'il y a de meilleur. Yoka Lokidoyo. Tout remettant les solo à 19 ans, il y a Top Congo 88.4, la fréquence utile. Oh, quand tu as la caca, na ignorance, ma gamme, ma zali, comme on en est, pour battre mes les caillots. Naïbe, na zalaka, l'okolayo, toka na zalaka, ne moubaye, les lomaye, les mangaï, ma fouami. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. Je vous appelle depuis le Brésil. Ma décision. La police est à Olage Bazui. Ils ont la décision, il y a bien. Il faut battre ça en action, puis il faut passer à suivre. Au cours de la pharmacie, Rigo est alité, plafond est alité, le chaleur est mieux sur moi, naïe mon pharmacie. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kamboudi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Comment rendre confortable chaque endroit, quel que soit le moment? Eh bien, c'est quand on ne craint pas de voir sa connexion Wi-Fi coupée pendant un appel vidéo avec Pi. Grâce à la Airbox 4G Plus d'Orange, profitez de nouveaux forfaits Internet très haut débit à partir de $10 et restez connecté partout. Tapez étoile 101 étoile 25 dièse. Orange. Dernière partie de Parlons-en, Lelo, parlons histoire. Tozolobela, chapitre consacré na guerre, ya AFDLP chute, ya maréchal Mobutu, invité na biso Thomas Luaka, Los Angeles. Alors, quelques éléments yako bakisa par rapport ya Onyon Sotolobi, Makambu, et Banego Leka. Et na kan ya Mobutu, donc na kan ya pouvoir en place, et na kan ya AFDLP bazayeko poussana, avant de passer parole là-bas, auditeur. Donc, tout ce qu'on a dit, le maréchal a sali double jeu, a tindi émissaire na Luanda pour na koeb sa bangole bakota makambwanate, Bado Santos, en même temps a tindi batoué pas sa vimbi azako senga lisungi. Mais côté AFDLP, côté AFDL, Laurent Désiré Kabila a koutinda mouninga na ebabenge Victor Mpoyo. Victor Mpoyo a zagi na ba contact malamu na Angola parce qu'avant na Luanda, na ba autorité angolaise donc Victor Mpoyo ba kibango atindi bango kende ko senga ba angolais Dos Santos ba côté la biso bitumba oyo to benga na mobutu ba rwandais pe bazu pe contact na ba angolais ba lobi boya kokota mais Dos Santos na baninga na ye ba lobi non to ko kokota bitumboka ka ndengo na te il faut tout lukato ye banano quels sont les rapports de force sur le terrain mais surtout ba véritable objectif ya AFDL na ba lié na bango ezaline Yango wana, na mois janvier 1997, Dos Santos, akotinda chef ya maison militaire na ye, babengiye général Kopelipa, Vera Diaz, Kopelipa, akeko vana na Bukavu pendant 3 semaines, Dos Santos alobi yomoko kene na terrain, otala o evalue makamango ezandenge nini, soki ba ezali sérieux, ou bien bako sa la blague. Deuxième officiel, secrétaire général ya MPLA. Kombo na ye Donacimento ye pe akei na Bukavu ko rejoindre Kopelipa donc des deux officiels angolais wana bakofana na Bukavu pendant 3 semaines et puis bakoya ko sala constat oyo premier constat na bango na rapport batier Laurent Kabila azali vraiment déterminé ya ko bengana Mobutu donc ezali blague te décision ezali ferme parce que ba vandi na ye bazo sonde ye pendant 3 semaines ba solaga ye ba conclure que azali décider voilà siège AFDL ezaki na Bukavu non AFDL bazal siège ezana koma mais bazana contact na Laurent Désiré Kabila na Bukavu et puis deuxième constat armée ya Mobutu est comme démoralisé ba lingi lisusu ko bunda te et loko ya misato ba ko découvrir Mobutu azali sous na armée te Bato azali kubuna na bango ezali ba ex far o ya armée ya Biarimana nde bazali komeka ko resiste muke na kati ya bitumba et puis quatrièmement ba ekomona peke sa vimbi pe azali impliqué na biloko wana mais loko penze ko ya ko pousser ba angolais ba accélérer ko kota na bango bitumba AFDL tango ba les deux officiels angolais bazali na Bukavu ba mercera senera Mobutu ba ko ya ko bombarder Bukavu tango ya ko bombarder Bukavu Général Kopelipa, na secrétaire général à MPLA, bakoebisa Dos Santos. Il faut tokota bitumboy. Yango wana pour na préparatif ya kokota na bango, bangolé bako mobiliser ba ancien militaire Katangé. O balongo armée bakoma démobiliser. Ba bengisi bango nyonso bazonga na bakan, ba banda déjà ba entraînement, toyeba ki ngonde nini, mama moko zaka responsable ya HCR. Au commissariat des réfugiés d'Angola, à comment qu'il est très moko pour na kosenga PAM, programme alimentaire mondial, il y a Nations Unies, où ils aient na province ou ba réfugiés, parce que ba zaki considéré comme ba réfugiés, maman na komeli bango, ko pesa bango les sous biloko kolia te na PAM, hein? Bo pesa bango les sous biloko kolia te, parce que ba zaki sous ba réfugiés te, ba komi ko s'entraîner, ba komi ba soda. Voilà comment tu es ba ike, ba gendarme katangé, ba komi ko se préparer pour na koko. Na mois de février, ba troupes. Angolaise à peu près 3000 militaires baouti Angola bako kitana Kigali na Kampala bazumituka baye kokota na Congo pona kokota bitumba AFDL opération na bango ya liboso troupe contingent moko yokene na Isiro esika ba militaire ugande bazalaki Museveni bitumba nenyo sasalaka alinga ka mingi koselwanya na ba frontière na ete alobinga Isiro na komia ekoki genere pas plus loin donc na Isiro ba angolais mutu ba remplacer ba angolais mutu ba remplacer c'est ba troupe angolaise wana nde ba koya ko libérer Kisangani na kanisi pona lelo tokoyi ko telema awa merci mingi Pour le bien-être de votre famille, souscrivez à Orange Énergie et payez vos réabonnements à partir de $15 par mois seulement, payables en francs congolais. Bénéficiez d'un kit solaire. Pour plus d'infos, rendez-vous dans les boutiques Orange ou appelez le 1555. Na Orange Énergie, de Longimo Lili. Voilà, nous savons tout, en tout cas l'essentiel, sur Bitumba AFD, les Utakiwapi, Ndenini, AFD, les Akina, nos plateformes. Il s'agit ici quatre regroupements ou quatre parties. Et que Yerokoma, parti, enfin mouvement politico-militaire, bah, problème il y a AFDL et tout ça, renforcement il y a AFDL d'une part, na Bania Moulenge, de l'autre, na Bande Koumoussous, il y a diaspora, approche il y a Laurent Désiré Kabila, et côté Nengenini, Mboutou Mboutou, en absence il y a Maréchal Mobutu, entre bah, Généraux Naé, na Premier ministre Kengo, et Mobutu Azongi, ni Général Maé, la commis chef d'état-major, mais Bazo Pessaé, bah, moyen politique n'a été. Et Nerenini Etienne Tshisekedi a rattaqué comme premier ministre tant Mobutu Bengisaki baï politique na cité de l'Union africaine pour être bas solo là nyoso na toyoki yango et puis na intervention permet ougandaise parce que Batwa Kansami ka AFD les a qui soutenu na Rwanda na Ouganda alors que Angola a contribué qui s'engagne quoi ici Angolais de quoi qui s'engagne tant AFDL est comme bloqué na Kenge Angolais mtu bakoya ko déverrouiller Kenge. Voilà, donc vous avez quelques questions certainement il y a ko poser bokoki ko benga biso na 085 000 44 40 topé na 089 44 44 471. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. 085 000 44 40 089 44 44 471. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, je m'appelle que honorable Thomas Loakamoti. Et ça m'a pour le petit peu. Tozo Kayondeko. Je suis un déco Thomas Loakamoti. C'est que Nao Landesco, c'est que confie à RDC. Na Rwanda, Uganda, ezaba confirmé ya kala. Pona ngai, en tant que yaza sage, conseil n'y a qu'on fait sa peau, peut-être ba étirement n'est-il à parce que, et au matin, attend au Rwanda, pas au côté de la cause de la bango. Ce solution n'y a qu'on fait sa peut-être, n'a pas de la réponse d'un an. En plus de deux, n'a pas tout un système politique n'abisso, et banda kala, si le lot, et changera raté, aux hommes raté, et aux simba raté. Si on prend la solution, y'a un mot qui a et avancé, mais bah, mot comme soudé, bah, fouille ici, et zara, et avancé. Allô, s'il vous plaît, Ndeko. Totika la na histoire, tozo beta l'histoire, Soko komose nga point de vue naye pour mboke avancer ou aller comme maramusu. Les lotos zo la guerre à AFDL, pechita à Mobutu, s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Merci s'il vous plaît. Merci. On a bien compris des kotosuka topé ça peut des comme sous parole mais déjà anticipativement par rapport à Mutuna na yo conflit à Bisona Rwanda na Uganda mais avant to banali solo ya Congo to lobela ki conflit à RDC na Rwanda et uti wapi awakaka na to, na parlons histoire awakaka na tumaluaka peut-être au ratangi ba missiona. Allô, bonjour pa chéri, bonjour papa tumaluaka, bonjour maman Vivienne Lukelu. Tozo kayo maman Vivienne. Pas chéri, nalina lobaboué. Tangu Kabila, nab amoni ke balie na yewana, balie na bango, baza miyibi. Et puis tang amoni ke bango tang bana ba congolais, ba so la maskolo na bango, ba rwande pe ba soya kokota na kati. Tant qu'il s'asse à l'occident, a sepeli nangote. Nia lobaki non, il fallait to, abundisa ba rwande ne ba rwande ba yaki non, kobomae na park wana. Quelque part au moins c'est que Kabila fait à Salema il fallait qu'abattir un bango na battir un akana bango pour na olier que baya na bango de sous soawa au bon moment déjà que balier na bino basa déjà badongolomis basa na obey bango na miibi et puis au moment que masolo na bino bawande baso kota pe bawa ningasaka muto akozala na tete ambo kana biso zaka rwande mais il fallait battir un akana bango kafuna mais maman Kabila, maman Viviane mais maman Viviane, oyoki réponse t'es invité à ses lobby tango qui ça c'est bas solina Laurent Désiré Kabila, Laurent Désiré Kabila a pécé bas argument naïe. Non, parce que la nana ayana balongola na mon bout tout c'est leur objectif kolongo la Mobutu. Mais bango moko bana mboka ba Congolais basalaki wana na Afdel. Nombre na bango ezalaki mukie pona kwa kolongo la Mobutu alors que Mobutu d'ailleurs comme un faible. Fallait ka ba soche ka ba lié o mona bango bana ba dongolo miso. Fallait ka ba ya et puis ça est quelque part pour pas justement loi colobique ba ba pantwa ba ka ko créer ba son tampon. Si quoi quelque part colobique non. Baka wana bango ba aidé bango ko pantwa ba ka bango pe ba aidé Merci beaucoup. Merci maman Viviane. Malheureusement, l'histoire est déjà écrite. Pour Nini Kabila, il fallait à Solana et Boetebo. Non, mais analyste, maman, une journaliste belge, hein, Colette Brackman, Arabi, Soki Afdel, Balanda qui idée à Kissa Sengando, ne bazoua ta Kissanganite. Parce que ce sont les alliés. Bangolais, Barouandais, Baougandais, ne babande kouyana Américains. Donc voilà, soutien diplomatique Afdel Azaki n'angwa parti à Bill Clinton, Barouandais mutuanda kouyana soutien. Donc ce qui Kabila l'a guidé à qui ça c'est Afdel Koma et Moussikate. Parce que l'essentiel est la force na Bango et Zalaki Barouandais na Baougandais. Exactement. En attendant, Bango va former Bakadogo na Bango. Voilà. To Zoande Komoussou, Sounanze na Skype. Allô? Allô, bonjour. On essaye que de faire en sorte que les gens comprennent. Soro lobi et tozo loba mingi. Alors que tozo soit chapitre par chapitre pour toi avancer, malam, malam. Ce qui est bon, tozo lobeza mingi. C'est quoi livre ne aux amoukiers pour livre comme il soubara mon mingi? Merci beaucoup pour la proposition. De toutes les façons, les livres ont un colonios, au livre, au support et tout ça. D'après cet exemple, Ndeko, Tanga, les derniers jours du maréchal Mobutu, il y a Honoré Mbanda. Makambo est belé, on a le bien, il y a livre. Merci beaucoup. Donc, Makambo a Zoloba, il y a Tangi, Bato Bakoma. Tous les auditeurs, mon sous. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Bon, et dans la France qui est là? Oui. Alors, on a un droit de nom Thomas Louakake. Pourquoi Kabila, tant qu'on a fait ça, a eu baga que non, James Kabarebe, Aza Rwandais. Mais, on a nommé quand même chef d'état-major. Quelque part, il a trahi un Mbokate. Merci Bingé. Ok. Merci. Bon, tu as commis dans la rivière FDL. Oui. Naba mentalité à révolutionnaire. Tout à l'heure, épisode de l'Ekakiawa, Kagame na Kabarebe basala bitumba ya Uganda. Tango wa sisi bitumba, Kagame akoma ki numéro 2 de Miap na Uganda. Donc, un étranger qui participe à une guerre de libération peut occuper des fonctions. Che Guevara, Azalaka Argentin, tant que libéré Cuba, Fidel Castro a nommé ministre na Cuba. Mm. Donc et pas ba révolutionnaire le quoi ne dérange à côté. Na logique on a des Mosepe Teki Kabarebe chef d'état major en attendant à sa solution. Bonjour Thierry, bonjour honorable Louaka, vraiment mes sincères félicitations pour l'espoir, l'histoire au bout de deux heures de l'émission. J'ai appris l'histoire des 20 ans passés. Honorable Louaka, bibliothèque vivante, ingénieur Roger Lumbala depuis Mbodi. Message, Tosu appelle Moussousou. Allô, bonjour. Allô. Bonjour. Oui. En tant que Betty Masoro, il y a un compagnon de Zéré Kabila. Il y a un combo à Yéro Diati. Yéro Diakoumadin, il y a un an de la fin, il y a papa Thomas, il y a un an. Yéro Diaki, il y a un combo presque à Kinshasa. Il n'est pas au Tagi diaspora. Il y a diaspora, mais il y a un gomme à Zaki. D'accord. Tosu auditeur, Moussousou. Allô, bonjour. Allô, bonjour, Père Thierry. Oui. Bonjour, Pena Papa Thomas. Bonjour, Ndeko. Ezanga Israël, il est de la victoire. Papa Thomas, nous avons tout à boire. Nous sommes Papa Apusa Ramassoua. Si on a 97, dans le Tobeta Matou, on a Papa, na Équateur. Donc, entre les salas, na Oumangi, na Kaskatuana, ba. Tokuta bananyo ba Rwanda et belé entre l'Isala ou Mangi Nangondi là je me rejoins Nangondi 9 km à l'Isala ba Rwanda et belé là ba Uganda ba soda mobutu sipo bazo kima bazo loba ba ke ko bengana mobutu bonga siko pena na mitu na nani penda akota ka bango ponga pena na mona bango bazala foma et belé bakanga foma même masua o biso to zala na ngo ba Rwanda na ba Uganda foma et belé Basoda Mobutu Siko Bazo Kima na ba pirote. Merci. Rwanda, ba bazo ya Siko. Deuxième participation en lai, c'est que Mobutu te abanda ko kosa ba général na yeto ba tunaye. Pendant lobi ke Mobutu ba mayele abi Mobutu ba jeune na ye. Alini ko tia ba tuka ndeti na mwa bulu ke c'est que azalaka penda ko bisa bango vérité. Merci papa Touma. Merci. Bon, on tourne le bosso bina na côté Babasoda. Mais Bayagi na bitumba. Bali Afdel. Oui, Bayagi na Mindoki. Mm. Mm? Donc objectif Zaki ba bengana mbutu do ba conquérir Congo mobima. Mm. Bazai Bali Afdel ba Rwanda na ba Uganda wana Bayagi na compte Afdel. Le solo a double G à Mobutu. Et double G à Mobutu, c'est vrai que na deuxième république Mobutu parfois maneko toute sa amitié ba collaborateur na ye pour na kolingate bango ba yoka na sima na ye. Parce que Maléko Banga va quoi saler mais dans ce contexte, Zaki quand même une erreur grave. Et bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Mais il a Zaki n'a raison que, dans le moment où on a couru le succès à la géonate. Voilà. Merci beaucoup Ndeko Thomas Louaka Losenjola Pona Lisolo Oyo. Mardi prochain émission Ekozalate. L'émission Parlons-en revient le lundi. Enfin, t'as aussi sa semaine normalement. Kasi. À partir il y a le 23, Toro Kenena congé, Toro Zonga, le lundi 9 janvier prochain. Donc, prochain numéro, il y a Parlons Histoire, et Gozala, le 10 janvier, pour Nakour Koba, Lissoloyo, Toro Lobela, Chuta FDL, Namakamunyoso, Oyaki. Merci Nayo pour la disponibilité, Mboula Mobimba, Gozala Kina Bisso, vraiment, merci Mingi. Yomoro Yokiba message à l'auditeur. Yomoro Yokaraba message à auditeur. Yomoro Zoraba Echo. Nabatuba la Narabiso na YouTube. Bala Narabiso Mingi. Na Facebook. Bala Narabiso Mingi. Batuba Kome Narabiso Mingi. Batuba Benga Mingi na répondeur. Merci pour la disponibilité na yo. Et à très bientôt, Ndeko Tomalwa. Merci, Mingi Ndeko. Na profite que le Kola na vous a dit l'occasion pour son auditeur. Te ko souhaite bango. Joyeux Noël. Fête à Noël. Na bonne année. Nzamba Pambola Bino. Lobby et les Kalelo. Merci Mingi. Rendez-vous donc le 10 janvier pour un prochain numéro. Peut-être qu'on récapitulé au Tolobela Gibula Mobimba. Après tout, on a avancé. Naibandeliane, peut-être qu'on a une histoire de la musique congolaise pour le coup des apéros d'avoir fait. Ouais, ça l'a bien. Merci Nabino, merci l'ingénieur Alain Mampasimbongo, merci l'ingénieur Chris Bivoula, merci na Patrick Mungongo, Dani Zayobi Bazaki, Kuna la vidéo. Merci Nabino Banso, Tokutani. Lobby pour un numéro, mon soussou. Y a parlons-en. Pour le bien-être de